méchant, méchant. Wesh les gang, wesh c'est quoi les bails? Higo, faut que j'me daille, je veux que ça pète dans ma tête. Ça pue la merde, Higo, faut que j'm'arrache. Ce soir j'fume la frappe, je veux que ça pète dans ma tête. Je ne fais que du sale, c'est grave. Des milliers d'euros j'me gave. Un gang où y'a que des braves. Impossible de baisser les armes, j'suis sur le parc central. À minuit les ruelles sont bombées de cash là. Attention, un contre un, cette petite tapette va nous sortir le chus là. Imbécile, joue pas les bandits, on connaît ton CD, vendeur de 20 balles. Malaki est sorti en condi, j'suis dans le bendo, j'danse la rumba. Ces moquants sont que des flocons, chez nous c'est violent, rien n'est falsifié. La Fimbi a dit qu'elle me connaît, elle a kiffé sur le gros poney. Wesh le gang, wesh c'est quoi les bails? Higo, faut que j'me daille, je veux que ça pète dans ma tête. Ça pue la merde, Higo, faut que j'm'arrache. Ce soir j'fume la frappe, je veux que ça pète dans ma tête. Wesh le gang, wesh le gang, wesh le gang, je veux que ça pète dans ma tête. Wesh le gang, wesh le gang, wesh le gang, je veux que ça pète dans ma tête. Higo, le mogo est puissant, joint dans le bec et le gamo c'est lui, son méga va en prix. Des années de prison, envoyer des mandats ça devient épuisant. De la baisser moi, j'suis dans le sang enfoiré. J'claque pas mes talbas en soirée. Si j'te loupe ce soir, t'inquiète je t'aurai. J'lance dans l'homoplate, j'vais te perforer. J'sais que c'est une cata mais j'la nique, je m'attache. J'sais que c'est une cata mais j'la nique, je m'attache. Si y'a pas d'oseille, ton pion s'arrache. Si t'as pas l'oseille, ton pion te marrache. Marabout gang, le gang a augmenté les meucris. Trafic de suppos et escroquerie. Millions d'euros, je ne sens plus la zucri. Le game je l'ai niqué, c'est rempli d'hypocrite. Le temps passe, t'es à la ramasse. Tu passes ton temps à parler de gofa. 10h pile, t'es déjà au quartier. Posé devant le café près de la place. Le temps passe, l'argent je m'y attache. Ça rase, il me faut mon gamin dans le garage. Paradis, on espère qu'on ira. Ça va, si Dieu le veut, on se calmera. Wesh le gang, wesh c'est quoi les bails? Higo, faut que j'me daille, je veux que ça pète dans ma tête. Ça pue la merde, Higo, faut que j'm'arrache. Ce soir j'fume la frappe, je veux que ça pète dans ma tête. Wesh le gang, wesh le gang, wesh le gang, je veux que ça pète dans ma tête. Wesh le gang, wesh le gang, wesh le gang, je veux que ça pète dans ma tête. Wesh le gang, wesh le gang, wesh le gang. Wesh le gang, wesh le gang, wesh le gang, yeah.